Le vote de Monsieur Fandentruff. Chapitre 1. Le petit gros homme, Monsieur Fandentruff, avec de larges favoris et en nageoires ouvertes, un ventre proéminent, deux jambes grêles et un air d'importance qui donnait à première vue envie de le gifler. Le maladroit qui l'eût piqué avec une épingle en eût fait sortir plus de billevesées que de choses sublimes. Il était plutôt comparable à une outre gonflée de vent qu'à une amphore pleine de vin généreux. Néanmoins, c'était un pédant bourré de science tudesque. Aussi était-il, dans sa petite ville, l'agent le plus actif des ambitions germaniques de l'autre côté de la Meuse. Il ne jurait que par l'Allemagne et la destruction des races latines qui, à son avis, avaient fait leur temps par la nécessité d'un empire solide représentant l'œuvre de Charlemagne et par la prussification de toute l'Europe occidentale. Son cabinet de travail était tapissé de cartes où ses belles idées étaient graphiquement développées avec des encres de toutes les couleurs. Il ne laissait à la France que les provinces basques et lui annexait, par système de compensation, le Val d'Andorre. Il faisait beau l'entendre discourir dans les brasseries sur ses nouveautés géographico-politiques, dans une langue pâteuse, amphigourique, enflée d'aiguelle, et suffisant d'expliquer son honneur pour la patrie de Diderot, de Montaigne et de Rabelais. Tout ça ne l'empêchait pas, d'ailleurs, d'être formidablement cocu. Chapitre 2. C'est que Madame Fandentruff, entre gens de son entourage intime et Louise, était infiniment plus aimable que lui. C'était une de ces filles du Nord que l'invasion espagnole a transformée. Car si le duc d'Albe persécuta quelque peu les Flandres, il rendit un immense service aux fidèles amis de la beauté féminine. En effet, du croisement des races sortit un des plus beaux types de femmes que j'ai vus. On commence à le rencontrer aux Ardennes. Imaginez de splendides créatures, ayant les charmes opulents des filles de Rubens, avec des teints admirablement pâles, des yeux noirs et une chevelure sombre comme la nuit. D'autres sont simplement d'un roux vénitien foncé, tout à fait simplement de ton. Ma parole, camarade, ça vaut le voyage, comme celui de Provence pour y trouver, à Agde, des Grecques contemporaines de Phidias. Je reviens à cet excellent duc d'Albe, si méchamment calomnié par M. Sardou, et à Héloïse Fandentruff, la légitime épouse du petit gros homme, avec de larges favoris en nageoires ouvertes. Cette honnête dame avait, comme je l'ai fait pressentir plus haut, un amant. Celui-ci était le joli conseiller Moulaert, un doux philosophe qui méprisait profondément les questions internationales et leur préférait de beaucoup les joies de l'amour. En voilà un qui aurait donné toute la navigation du Danube, plus l'équilibre du budget turc et bien d'autres balivernes encore, pour un simple baiser sur deux lèvres roses. Quant à la clé des Dardanelles, il l'eût cédée au premier marchand de ferraille venu pour un simple regard de charcutière. Ô Moulaert, comme je te comprends, et comme la paix du monde serait pour longtemps assurée si tous les autres étaient comme nous. Chapitre 3. Le temps des élections sénatoriales était venu. C'était, pour M. Fandentruff, une époque tout à fait critique, capitale et intéressante. Car il s'agissait de faire élire un homme absolument dévoué à la germanisation future, un atroce juif nommé Isaac Snob, dont la nomination aurait l'importance d'une profession de foi en l'honneur de l'annexion. Pour le conseiller Moulaert, ce n'était pas, d'ailleurs, un temps indifférent non plus. Car, tandis que M. Fandentruff allait bavarder dans les cabarets et faire de la propagande, lui, Moulaert, prenait d'excellentes lipées d'amour avec sa femme, et s'en donnait à tir larigot de ce que vous savez aussi bien que moi. Héloïse aussi aurait bien voulu que cela durât toujours, et comme elle était dévote, elle faisait une neuvaine pour qu'il y eût ballotage et que tout fût à recommencer. Dieu ne pouvait manquer de l'ouïr favorablement pour la grande ardeur de ses prières et la sainteté de leur cause. Cependant, le grand jour approchant, M. Fandentruff avait préparé son bulletin de vote avec un soin religieux. Sur un admirable petit morceau de papier de choix, il avait inscrit le nom d'Isaac Snob et l'avait entouré d'une arabesque décorative, dont les quatre coins figuraient des casques prussiens et dont le tout composait un encadrement d'emblèmes ingénieux. Il avait passé 7 ou 8 heures à cette inepte occupation, et ce miracle de sottise achevé l'avait mis dans la poche de sa culotte. Le grand jour venu, il sortit, dès l'aube, radieux et triomphant, car il avait 3 bonnes lieues à faire à pied pour aller déposer dans l'urne son tant précieux bulletin. Je ne mentirai pas en affirmant qu'une demi-heure à peine après son départ, M. le conseiller Moulaert avait pris galamment sa place dans le lit de Mme von den Truff. Ne me demandez pas pourquoi faire. Je feindrai de l'ignorer pour vous donner une haute idée de ma belle éducation. Mais si quelque dame s'ennuie jamais un matin, toute seule dans son lit, après le départ de son mari, je suis prêt à lui conter tout bas la chose, sans d'ailleurs dire le moindre mot inconvenant. Chapitre 4. Qui jure ainsi sur le grand chemin en tapant du pied et en se démenant comme un diable? C'est Monsieur von den Truff, mes amis, ce bon Monsieur von den Truff, qui s'est aperçu, juste à mi-route, qu'il avait oublié son petit chef-d'œuvre graphique, son tant estimé petit papier. Pour se faire plus beau, n'avait-il pas mis sa culotte neuve, oubliant le fameux bulletin dans la poche de l'autre? L'autre, parbleu, elle était au pied de son lit. Il la voyait comme je vous vois, sur une chaise, les jambes pendantes. Tant pis, il voterait comme tout le monde sur le premier chiffon blanc venu. Mais avoir perdu tant de peine, non, morbleu, cela ne serait pas dit. Monsieur von den Truff rebroussa résolument chemin et se mit à courir dans le sens de sa maison, soufflant comme un phoque, suant comme un saule dont le vent penche la chevelure dans l'eau, blasphémant comme un hérétique, envoyant l'univers entier à tous les diables et lui-même avec le reste de l'univers. Ah, mon Dieu ! Fit Héloïse en l'entendant mettre la clé dans la serrure. « Je regrette bien d'être ici, » dit le conseiller Moulaert. Et tout en exprimant cette plainte, il plongeait sous les couvertures, ce qui est toujours prudent en pareil cas et souvent agréable dans les autres. Mais M. von den Truff, honteux de sa distraction, n'avait aucune envie de faire le matamore. Les rideaux fermés laissaient la chambre dans une obscurité presque complète. D'ailleurs, il pensait bien à regarder s'il y avait quelqu'un dans le lit de sa femme. « Chut, c'est moi, Bobonne. Ne te réveille pas. » Je vous prie de croire que Bobonne n'alluma pas la lumière. Le conseiller Moulaert non plus n'eut aucune envie de se signaler par quelques amusements pyrotechniques. Tous deux firent les morts, ce qui est charmant, à la condition toutefois de ne pas l'être pour de bon. Monsieur von den Truff avait déjà refermé silencieusement la porte et s'était remis en route. Il avait trouvé son pantalon à l'endroit prévu, et dans la poche, son papier plié en deux comme il l'avait mis lui-même la veille. Aussi, l'ayant précieusement serré dans sa nouvelle culotte, il se remit à courir comme si des fusées lui brûlaient le derrière. Ce n'était plus un homme, mais un cerf de la tête aux pieds. Chapitre 5. Il arriva, fut acclamé par quelques imbéciles et jeta son bulletin dans l'urne. Puis il attendit. Il attendit le dépouillement du scrutin, se disant avec orgueil. « Je suis sûr qu'on devinera que c'est moi. » Ô triomphe inattendu ! Il fut nommé assesseur pour présider à cette importante opération. Elle commença avec les pointages usités, les répétitions demandées et tout le train-train ordinaire. Tout à coup, l'homme honorable qui appelait les noms, après avoir déplié les bulletins, rougit, fit une grimace épouvantable, froissa vivement le petit papier qu'il venait de lire et le jeta violemment à terre. « Bulletin nul !» fit-il d'une voix indignée. « Pourquoi ça ?» demanda M. von den Truff avec sévérité. « Bulletin nul, vous dis-je, c'est une mauvaise plaisanterie. »« Il n'y a pas de plaisanterie qui tienne, » reprit M. von den Truff. « Je veux voir. Vous êtes fou !»« Je veux voir, vous répétai-je. C'est mon droit. » « Eh bien, que le diable vous emporte et regardez si cela vous amuse !» M. von den Truff bondit sur la boulette de papier, la déroula avec fureur et lut ceci. Demain, cet animal de Vandentruff part à 4 heures du matin. Je t'attends à 5 au plus tard, mon chéri. Nous ferons la fête, je ne te dis que ça. Ta fidèle Héloïse. Êtes-vous content maintenant ? Demanda l'homme honorable qui dépouillait le scrutin. Monsieur Vandentruff était vert pomme. Il balbutiait et ne comprenait pas. C'était bien simple pourtant. Il avait fouillé dans la culotte du conseiller Moulaer, laquelle avait remplacé la sienne au pied du lit, et en avait extrait le rendez-vous donné la veille par sa femme à son ami. Cependant, tout le monde réclamait la lecture à haute voix du bulletin pour juger de son cas de nullité. Il fallut bien en passer par là, et je vous prie de croire qu'on s'amusa ferme aux dépens du pauvre Vandentruff. Celui-ci voulut échapper à toute force au ridicule, et déclara qu'il était l'auteur de cet écrit et avait simplement voulu faire une fumisterie. Mais alors, l'homme honorable qui lisait les noms et qu'il venait de malmener fit dresser procès-verbal immédiatement contre lui. Il fut condamné à 8 jours de prison et perdit sans retour la confiance du gouvernement allemand. Tout cela ne l'empêcha pas, d'ailleurs, d'être ce que j'ai dit plus haut, car c'est un genre de place qu'on garde plus longtemps qu'une préfecture.